raconter ce qui m'est arrivé. La première fois que je suis sorti de mon parc en bois, à la découverte de l'appartement, mon premier univers d'enfant. J'ai d'abord marché à pied sur quatre pieds, les yeux rivés sur un cheval mécanique qui était dans ma chambre à coucher. Et comme tout se passait bien, j'ai voulu m'avancer plus loin. Mais quand j'ai pris l'escalier, une voix très forte a crié: pas dans l'escalier, interdit au bébé. Pas sur le palier, interdit au bébé. Sors de la cuisine, interdit au bébé. Touche pas la télé, interdit au bébé. Et comme tout qui brille, c'est pas pour les bébés. Mais dites-moi ce qui reste au bébé. On a beau nous adorer, nous chouchouter, nous dorloter, on n'a pas une heure à soi, on est sans arrêt surveillé. Et quand on nous laisse enfin, il faut dormir jusqu'au lendemain. Mais si jamais dans la nuit, on pousse un cri, c'est reparti. On ne peut pas rêver, interdit au bébé. On ne peut pas se lever, interdit au bébé. On ne peut pas boire seul, interdit au bébé. On ne peut rien manger, interdit au bébé. Et comme tout ce qui est bon, c'est pas pour les bébés. Mais dites-moi ce qui reste au bébé. Pas dans l'escalier, interdit au bébé. Pas sur le palier, interdit au bébé. Sors de la cuisine, interdit au bébé. Bouge pas la télé, interdit au bébé. Et comme tout ce qui brille, c'est pas pour les bébés. Mais dites-moi ce qui reste au bébé. Ce qui reste au bébé, mais dites-moi ce qui reste au bébé.